Chapitre 7. Les saints martyrs sont conduits de Sakai à Fakata. Le 9 janvier, les 24 prisonniers partirent de Sakai. Le voyage eût été bien plus court et plus aisé par la mer, mais Taiko-sama, soit pour intimider les peuples, soit pour augmenter les souffrances des confesseurs de Jésus-Christ, voulut qu'ils fissent le trajet par terre. On peut s'imaginer ce qu'ils eurent à souffrir du froid et d'autres incommodités dans le cours d'une si longue route au cœur de l'hiver. Car, comme le remarque le père Froese, tout était couvert de glace et de neige. Il est vrai que la charité industrieuse des fidèles, qui se rencontrèrent par foule sur leur passage, ne laissa pas de leur procurer quelque soulagement. Les soldats même qui les escortaient, les uns touchés de compassion, les autres par crainte, que si quelques-uns venaient à mourir dans le chemin, on ne les en rendit responsables, avaient assez de soins qu'on leur fournit partout le nécessaire. Ils leur procuraient des chevaux ou les faisaient porter dans des palanquins. Cependant, les martyrs durent faire une bonne partie de la route à pied, ce qui causa à plusieurs de grandes enflures et des blessures aux pieds. De même, pour le reste, la bienveillante sollicitude de leurs gardes ne put empêcher qu'ils ne manquassent de beaucoup de choses. Le père Nieshi l'avait prévu et avait engagé un excellent chrétien, nommé Pierre Sukeziko, à l'y suivre avec une somme d'argent suffisante pour les besoins de tous. Un charpentier nommé François Failante, fort affectionné au père franciscain, s'était joint à Sukeziko dans le même dessein. D'abord, les gardes les laissèrent faire. Mais comme ce n'étaient pas toujours les mêmes, ils se relayaient dans les différentes stations militaires, Sukeziko et Failante eurent affaire, au bout de quelques jours, avec des soldats qui entrèrent en mauvaise humeur contre eux et les maltraitèrent plusieurs fois. Comme ceux-ci ne se rebutaient pas, le commandant de l'escorte leur demanda s'ils étaient aussi chrétiens. Ils répondirent qu'ils détestaient les dieux du Japon, ce qui irrita tellement cet officier que, de son autorité propre et sans aucune formalité de justice, il les joignit aux autres prisonniers. Ces fervents chrétiens en eurent une joie inexprimable. L'empereur, à qui on rapporta cet événement, ne put s'empêcher de dire « Il faut avouer que les chrétiens ont du courage et que rien ne leur coûte pour se soulager les uns les autres. » Les martyrs, de leur côté, prêchaient Jésus-Christ avec beaucoup de zèle dans tous les lieux de leur passage, surtout Paul Miki, qui a l'avantage de parler naturellement le japonais, joignait une éloquence très persuasive. Il semblait d'ailleurs que l'Esprit-Saint s'était emparé de son cœur au moment qu'il fut arrêté prisonnier. Ses gardiens disaient qu'il n'était presque pas possible de ne pas se rendre après l'avoir entendu parler de sa religion, et un officier idolâtre en fit un jour l'heureuse expérience. Les martyrs passant par le Nangato furent consignés en arrivant un soir, fort tard, à cet officier, homme dur jusqu'à la brutalité, qui les traita avec une inhumanité extrême et les enferma tous ensemble, comme on aurait fait un troupeau de bêtes, dans une espèce d'étable malpropre et obscure. Miki, plus touché de ce qu'il voyait souffrir à ses compagnons, et surtout aux trois enfants dont nous avons déjà parlé, que de ce qui le regardait, chercha l'occasion de voir cet officier et la trouva. Il lui parla du vrai Dieu et lui dit des choses si touchantes que non seulement il lui inspira des sentiments d'humanité, mais qu'il le convertit même et en fit un fervent chrétien. Durant ce voyage, il arriva tant d'autres choses édifiantes que les bonzes se plaignirent hautement de ce que l'empereur prenait pour abolir le christianisme, des moyens qui étaient bien plus capables de l'étendre dans les lieux où il n'était pas établi. Le 31 janvier, les confesseurs arrivèrent à Fakata, dans l'île de Ximo, au nord de Nagasaki. Ils y furent reçus par les idolâtres avec la bienveillance à laquelle ils étaient accoutumés. Quelques chrétiens pénétrèrent jusqu'à eux et en reçurent de salutaires avis. Paul, à son ordinaire, passa une partie de la nuit à prêcher aux soldats et à d'autres païens. Ce fut aussi à Fakata que lui et d'autres parvinrent à donner de leurs nouvelles à leur père en Dieu. Pendant que les martyrs se reposaient dans les prisons, plusieurs s'occupaient à écrire. Ainsi, on trouvera après sa mort, dans les habits d'un d'entre eux, l'abrégé en japonais d'une instruction sur leur bonheur que le père Martin de l'Ascension leur avait faite en route. Ce père, qui n'était arrivé que depuis quelques mois des îles Philippines au Japon et n'avait pas encore eu le temps d'apprendre la langue, avait parlé en espagnol. Mais le frère Gonsalve, qui connaissait les deux langues, avait servi d'interprète. Ainsi encore, on trouva sur deux enfants les lettres les plus attendrissantes adressées à leurs parents. mais personne n'écrivait plus de lettres que Paul Miki. Il en adressa au père de Meako et d'Osaka. Elle respire toute la sainte ardeur dont son âme était embrasée. Dans l'une de ses lettres, il prie un père de remettre à sa mère une image de dévotion, afin qu'elle serve à la consoler à sa place, et l'aide à élever son esprit vers le ciel, où il sera bientôt. Il en écrivit d'autres, à Juste Ukondono, à Paul et Constantin, fils de Guénifouin, vice-roi du Tense, au prince d'Omura et à d'autres. Et ce ne fut qu'à Fakata qu'il trouva le moyen de faire partir ses lettres. Il y en avait une surtout qu'il était impatient d'envoyer. Tous les martyrs avaient un grand désir de se confesser et de communier. Mais comme aucun des pères franciscains ne comprenait suffisamment la langue japonaise, Paul Miki écrivit au père Gomez, vice-provincial, le priant de leur envoyer un confesseur auquel les Japonais puissent se confesser en leur langue. On y lit. « Mon révérend père, nous n'avons d'autre désir que de pouvoir nous confesser et communier avant notre arrivée à Nagasaki. Nous ignorons si après nous en aurons l'occasion. Nous ne pouvons exposer complètement l'état de notre conscience aux pères franciscains qui sont avec nous, parce qu'ils ne savent pas suffisamment notre langue. Ce serait une grande consolation pour nous si nous pouvions ouvrir notre âme au père François Pazio. » Le père Pierre Baptiste écrivit à son tour au père Antoine Lopez, recteur du collège des Jésuites à Nagasaki, le priant d'obtenir du gouverneur de la ville la faveur de pouvoir communier et recevoir la bénédiction de l'évêque, 2 jours avant l'exécution de leur sentence. Ces 2 lettres étaient datées de Katakab, dans le royaume de Bigen, le 19 janvier 1597. Mais avant la fin de janvier, elles ne purent être remises à un messager fidèle. Ce fut Jacques Cogent, ami de Paul Miki, qui était venu le voir en prison avec une foule d'autres chrétiens, qui se chargea de la commission hasardeuse. Les 2 lettres arrivèrent à leur destination et furent communiquées à l'évêque. De son avis, le vice-provincial fit partir sur le champ les pères Pazio et Rodriguez pour aller au-devant des confesseurs et leur procurer tous les secours spirituels et temporels qui pourraient dépendre d'eux. Cependant, un message fut envoyé à Faza Burodono, lieutenant et frère de Tarasa Vandono, gouverneur de Nagasaki. Ce lieutenant se tenait à Nagoya, résidence impériale, située sur la route de Fakata à Nagasaki. Le message contenait l'avis de l'arrivée prochaine des martyrs. En même temps, Faza Burodono reçut communication des lettres patentes de Taiko-sama, par lesquelles il lui était ordonné de conduire sans délai les confesseurs à Nagasaki. Le lieutenant expédia à l'instant un courrier à cette ville portant l'ordre de faire dresser 50 croix. Ce chiffre surprit agréablement. On allait donc prendre des chrétiens à Nagasaki pour les crucifier avec ceux qu'on amenait. Chacun espérait être du nombre, ce qui donna lieu aux scènes les plus attendrissantes. Nous les passons. Partout, du reste, l'arrivée ou la simple attente des martyrs excitait un pieux enthousiasme.